ouvre le dossier de Ferdinand Marcos. L'archipel au trésor, tel pourrait être nommé l'archipel des Philippines, si j'en crois certains historiens. Des trésors fabuleux dont certains demeureraient cachés dans quelques-unes de ces 7000 îles. Il y a là de quoi rêver ou faire rêver. Et effectivement, chercheurs de trésors, agents secrets, aventuriers de tout crin, escrocs, ont essayé de s'emparer de ces trésors qui auraient été cachés aux Philippines par les Japonais avant de faire leur reddition à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des trésors qui étaient le fruit de leur rapine dans tous les pays asiatiques qu'ils avaient occupés. Des dizaines et dizaines de tonnes d'or et des coffres entiers de pierres précieuses. Nous allons y revenir avec Monsieur X et voir ce qu'il y a de sérieux dans cette affaire. Plus avéré, il rôde autour de cette histoire l'ombre du président Ferdinand Marcos, l'homme qui a régné en maître sur les Philippines pendant plus de 20 ans et qui a exercé une dictature impitoyable. Marcos, que le livre Guinness des records a qualifié de plus grand voleur du monde. Personne n'a oublié la découverte symbolique du bon millier de paires de chaussures de son épouse Imelda lorsque les Philippins ont envahi le palais présidentiel en 1986 après le départ précipité des Marcos. Les Marcos qui auraient peut-être aussi découvert une partie des trésors des Japonais, ce qui expliquerait en partie l'origine de la fabuleuse fortune amassée par le couple. Voyons dans un instant ce qu'en pense Monsieur X. Il y en a qui collectionnent les scarabées, il y en a qui affectionnent les macabées. Il y a des gens qui ont la passion, des orthoptères, des ascensions, des vieilles cafetières, des pipes en terre, des occasions. Il y en a qui collectionnent les assiettes bleues, il y en a qui se passionnent pour le vin vieux. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait. Mais moi, le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. Je suis un monstre de perversité. Je suis le contraire d'une sœur de charité. Je remplis des malles de cœur de malle. Je m'en régale avec avidité. Je suis le tombeau. Ma seule joie, c'est de voir les cœurs saigner. J'arrache les âmes pour en faire des beignets. Je suis un monstre de perversité. Quand j'imagine un homme entre mes mains, Babylone ou Sodome ne sont plus rien. Je le déshabille jusqu'aux doigts de pied. Il ferme les yeux prêt à se promener. Et je lui balance un pot de faïence plein d'eau glacée. Je connais des petits masos, des enfants de cœur, qui se flanquent des coups de ciseaux pour se faire peur. Moi, si un jour on me condamnait, je demanderais une glace au geôlier pour voir ma bouille quand le bourreau me décapiterait. Oui, je suis un monstre de perversité. Et pourtant, j'en tire pas vanité. Tueur notoire, tyran d'histoire, bandit sans gloire, peuvent se raviller. Tout le jour, j'assassine sans répit. Et je rédige mes aveux par écrit. Je gagne ma vie d'un roman policier. Je suis un monstre de perversité. Qu'on se le dise, non ! France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je me méfie beaucoup des histoires de trésors, car la plupart du temps, elles sont fumeuses. Vous voulez dire complètement imaginaires. Oui, même si à l'origine, il y a souvent un élément de vérité. Alors, avant de parler du trésor du général japonais Yamashita, Je vous propose d'être plus terre à terre et de nous intéresser d'abord à l'histoire des Philippines et puis à l'ascension fulgurante de Ferdinand Marcos. Mais les Philippines d'abord. Comme vous le savez, c'est une ancienne colonie espagnole rachetée par les États-Unis à la fin du 19e siècle. Ouais. Les Américains, nouveaux colonisateurs. Oui, le résultat, c'est que cet archipel de plusieurs milliers d'îles qui occupe une position stratégique dans l'Asie du Sud-Est va dépendre étroitement des États-Unis, à tout point de vue. Autre élément important, la population. D'origine malaise, n'a pas été islamisée comme d'autres pays de la région. Et les Philippins ont gardé l'héritage catholique de leurs premiers colonisateurs. Mmh. Il y a quand même des musulmans aux Philippines. Les Moros, c'est exact. Oui. Mmh. Essentiellement dans les îles du Sud. Une minorité travaillée par les revendications islamistes et qui entretient depuis des années une guérilla très active. Vous vous souvenez sans doute des récentes prises d'otages dans l'île de Jolo. Oui, bien sûr, mais on a dit que... Enfin, on a prétendu que cette guérilla était une émanation d'Al-Qaïda. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Al-Qaïda, c'est une hydre dont tous les tentacules sont indépendants les uns des autres. Des organisations franchisées, en somme. Enfin, ça arrange beaucoup de monde de prétendre qu'il y a à la tête un cerveau qui règne sur cette nébuleuse. Ouais, Ben Laden. Ouais, enfin, passons. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais conquièrent les Philippines et encouragent les aspirations nationalistes de la population. Parce que, bon, une population qui voulait en finir avec la domination états-unienne. Bien entendu. Mais ça se passe assez mal avec le nouvel occupant japonais dont les méthodes autoritaires sont assez peu appréciées. Et une guérilla d'inspiration communiste va combattre les Japonais. Il existera aussi d'autres organisations résistantes, soutenues par les Américains, bien sûr. Et en 1945, c'est la libération. Oui, les Japonais sont vaincus par les troupes du général MacArthur, et ce dernier remet le pouvoir à un gouvernement civil. Cette fois, un gouvernement philippin. Oui, mais les Philippines cessent d'être de fait une colonie. Mais enfin, les liens avec les États-Unis ne sont pas distendus pour autant. Washington obtient des droits équivalents à ceux des autochtones sur l'exploitation des ressources naturelles de l'archipel. Le maintien aussi de relations commerciales privilégiées et surtout le maintien de deux grosses bases militaires. Voilà, ça veut dire que les Philippines restent dans l'orbite américaine. Absolument. Pour les États-Unis engagés dans la guerre froide et la compétition avec le monde communiste, l'archipel occupe une place stratégique. Car il y aura la guerre de Corée, puis le Vietnam. Par conséquent, ils ne cesseront de se mêler des affaires politiques philippines afin de conserver leur position. Et puis leur de base. Évidemment. Mmh. Et parfois, ils iront même un peu fort. Mmh. C'est-à-dire ? Eh bien, dans les années 50, lorsqu'un président, pourtant soutenu au départ par Washington, manifestera son intention de s'émanciper de la tutelle américaine, il disparaîtra curieusement dans un accident d'avion. Ah oui, vous pensez que les Américains... Je n'exclus rien. Mais oublions et venons-en aux années 60. Le pays est alors dans un triste état. Les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage est endémique, la corruption généralisée et l'économie est aux mains de quelques clans qui mettent l'archipel en coupe réglée. Je crois me souvenir qu'une centaine de familles seulement ont la haute main sur toutes les richesses de l'île. Ah non, on en avait 200. Hein. Et puis il y a la guérilla aussi. La guérilla islamique ? Non, ça sera un peu plus tard. La guérilla est alors communiste. Et dans les campagnes et les montagnes, elle mène la vie dure aux autorités. C'est une guérilla qui lutte contre l'inféodation du pouvoir aux États-Unis ? Naturellement. Mmh. C'est alors que va surgir Ferdinand Marcos. Mmh. Pourquoi surgir ? C'est un inconnu ? Non, mais enfin, voyons ça de plus près, si vous voulez bien. Mmh. Marcos a une vingtaine d'années au moment de l'occupation japonaise. Jeune avocat, il a déjà fait parler de lui à l'occasion d'une curieuse affaire. Ah, racontez-le. Avant la Seconde Guerre mondiale, ce rejeton d'une famille patricienne a tué d'un coup de revolver un adversaire politique de son père et il est emprisonné. Mais au cours de son procès, il assume lui-même sa défense et il est tellement éloquent qu'il est acquitté. Ah, et alors de là naît sa vocation d'avocat, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui. Et pendant la guerre contre les Japonais, il s'engage dans un mouvement de résistance soutenu par les Américains. Et il aurait été médaillé à plusieurs reprises. Et pourquoi ce conditionnel ? Parce qu'il demeure pas mal de zones d'ombre sur les exploits militaires de Marcos. Enfin, ne chipotons pas. Après la guerre, ce jeune homme entreprenant se lance en politique. Et alors, politiquement, il se situe où ? C'est un libéral. Il est élu député, puis sénateur. Il devient même président du Sénat avant de prendre la présidence du Parti libéral. Mais en 1964, un an avant l'élection présidentielle, il change brusquement de camp. Où va-t-il ? Chez les nationalistes, dont il devient le champion. Et il est élu à la magistrature suprême contre le président sortant, dont il avait été pourtant un chaud partisan. Il faut ajouter que ses adversaires l'accuseront de fraude électorale, mais enfin, peu importe. Les Philippins mettent beaucoup d'espoir dans cet homme jeune, dynamique et sympathique. Ils ont l'impression d'avoir porté au pouvoir un nouveau Kennedy. Et un homme qui va les sauver de la misère, entreprendre des réformes. Certainement. Ouais. Ce qui fait aussi beaucoup pour sa popularité, c'est son épouse, Imelda, une ancienne reine de beauté qui n'est pas moins dynamique que son président de mari. Oui, qui était effectivement assez belle. Hein. Mmh. Alors, ses réformes ? Le plus important, c'est la réforme agraire. Mais si Marcos réussit incontestablement à créer une agriculture plus rentable et plus moderne, il accroît aussi les difficultés des plus pauvres qui peinent à rembourser les emprunts qu'ils ont contractés. En fait, c'est une économie qui reste semi-féodale. Et surtout, Marcos n'a pas voulu s'attaquer aux secteurs les plus rentables. Les noix de coco, les fruits, la canne à sucre. Mmh. Il y a des secteurs qui restent aux mains de ces clans. Là, oui, enfin, les clans proches de Marcos. Mmh. Les autres, ils n'hésitent pas à les déposséder à son profit ou au profit de ses amis. Oh, mais c'est ça, tout simplement du clientélisme. Et du népotisme, car sa famille n'est pas oubliée. Marcos ne se contente pas de réformer l'agriculture, il entend aussi moderniser l'économie. Et c'est vrai, il faut le reconnaître que le pays connaît alors un vrai boom. Mais encore une fois, ces succès ne profitent qu'aux privilégiés, en particulier aux amis et parents de Marcos, qui se partagent les fruits de cette croissance spectaculaire. Et parallèlement, Marcos s'enrichit prodigieusement. Et comment alors ? En touchant sur toutes les activités économiques comme pratiquent la plupart des dictateurs ? Bien entendu. Même l'argent étranger censé venir en aide à ce pays sous-développé disparaît dans des comptes bancaires secrets établis dans les paradis fiscaux. Oui, non. Mais Marcos, cette époque n'est pas encore un dictateur. Non, pas encore, comme vous dites. Même si son régime ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit du maintien de l'ordre. Donc il a quand même une opposition en face de lui. C'est certain. Son principal contradicteur est un ancien journaliste dont vous avez forcément entendu parler, Benigno Aquino. Ah oui, le mari de la future présidente Cori. Exactement. Cori Aquino. Hein, oui. Aquino est un opposant légal, car Marcos doit aussi compter avec les deux guérillas dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire les communistes. Oui, ce ne sont plus les anciens résistants issus du monde rural, sont des jeunes d'inspiration maoïste, encore plus déterminés et surtout encouragés par toutes les luttes qui sont menées dans le monde entier contre ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Ouais, et puis de l'autre côté, il y a les musulmans. Oui, qui ont créé un Front National de Libération dans les îles du Sud. Une rébellion qui donne du fil à retordre au pouvoir. Mmh. Et les Américains, donc ? Ils soutiennent indéfectiblement Marcos. Son régime fort leur convient tout à fait. Le président Johnson a par exemple dit de lui, c'est mon bras droit musclé en Asie. On ne peut pas être plus clair. Non, en effet. Et Washington j'imagine, d'autant plus besoin de lui que les États-Unis sont alors lourdement engagé au Vietnam. Oui, naturellement. Et Nixon, le successeur de Johnson, manifestera la même complaisance vis-à-vis de Marcos. Et malgré les guérillas et les manifestations de plus en plus fréquentes de l'opposition, Marcos, assuré du soutien américain, est réélu en 1969, après une campagne électorale houleuse, ponctuée de nombreuses violences. Mais c'est certain, l'apparence de démocratie qui subsiste encore aux Philippines ne pourra plus durer très longtemps. Et bientôt, Marcos va vraiment montrer ce qu'il est en réalité. Don't you know that talking about a revolution sounds peaceful? Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds just fine. We're people gonna rise up, get their share. We're people gonna rise up, and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Wasting time in the unemployment lines, sitting around Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Réélu en 1969, donc, le président Marcos doit faire face à des difficultés croissantes. Voici par exemple ce qu'écrit Roland-Pierre Paringaud dans le journal Le Monde. À partir de 1970, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'histoire semble se répéter et s'accélérer. De nouveau, les cortèges de manifestants fleurissent dans les rues de la capitale. Étudiants, opposants, dénoncent l'absence de réforme et la persistance des inégalités, le népotisme et le favoritisme grandissant du régime, le rôle des États-Unis aux Philippines et ailleurs. L'atmosphère politique change, se chargeant de tensions. On crie « Abat l'impérialisme » devant l'ambassade américaine. Aux abords du palais présidentiel, des affrontements avec la police font plusieurs morts, les grèves se développent. Le pouvoir réagit en accusant des éléments maoïstes de chercher à renverser le régime. Déjà, il cherche à établir un lien entre la gauche radicale et l'opposition légale, tout particulièrement le Parti libéral, dont M. Marcos fut le président jusqu'en 1964 et qui a désormais le vent populaire en poupe. Il est vrai que le nouveau Parti communiste philippin a adopté la stratégie de Mao, mais il vient tout juste de voir le jour, 1968, et ses forces paraissent alors négligeables. L'agence Chine Nouvelle n'hésite pourtant pas à affirmer, en janvier 71, que la lutte révolutionnaire du peuple philippin contre l'impérialisme US, et c'est la quai, se développe. Pékin apporte ainsi de l'eau au moulin du régime. La constitution philippine interdit à Marcos de briguer un troisième mandat présidentiel. S'il veut rester au pouvoir, il n'a que deux solutions. Ou bien tenter de modifier cette constitution, ou alors s'imposer par la force. Oui, c'est naturellement cette deuxième solution qu'il va choisir. Oui, parce que Ferdinand Marcos n'a nulle envie de quitter un pouvoir qui lui permet de s'enrichir à si bon compte. Mmh. Justement, enfin, parler de s'enrichir aux Philippines, personne ne s'étonne. Ah, si, mais comment expliquer que cet homme politique qui, en principe, ne perçoit comme revenu que son salaire de président, vive aussi fastueusement? Et le premier à poser publiquement la question, c'est Benigno Aquino, son principal opposant. Mmh. Réponse de Marcos? Un jour, alors qu'il est en train de jouer au golf, son sport favori, il confie à quelques journalistes venus l'admirer « Savez-vous pourquoi je suis riche ?» Eh bien, c'est parce que j'ai découvert le trésor de Yamashita. Alors, avant d'aller plus loin, il serait peut-être temps de parler de ce trésor, non ? Oui, enfin, Yamashita, c'était un des meilleurs généraux de l'armée impériale japonaise. Un officier prestigieux qu'on appelait le Tigre. À la tête de ses troupes, il avait écumé tous les pays du sud-est asiatique. Et à cette occasion, lui et ses hommes avaient pillé toutes les richesses des princes qui régnaient encore sur ces régions. Il aurait ainsi amassé un trésor fabuleux dont une bonne partie aurait été transportée au Japon. C'est sûr, ça ? On le prétend, en tout cas. Mais en 1945, le sort des armes change. Yamashita est piégé dans l'archipel des Philippines par les armées américaines et britanniques. Or, il est encore en possession d'une part importante de son butin. Et il a été empêché de l'envoyer au Japon car la flotte nippone n'a plus la maîtrise des mers. Aussi, avant de faire sa reddition, le général décide-t-il de dissimuler son trésor dans plusieurs caches du territoire philippin. Il aurait même fait exécuter les prisonniers chargés d'effectuer ce travail afin d'en préserver le secret. Voilà. Vrai ou faux ? Vraisemblable, en tout cas. Yamashita espérait sans doute pouvoir récupérer son butin après la guerre, mais MacArthur, le commandant en chef des armées alliées, en décide autrement. Yamashita, dès sa reddition, est traduit devant un tribunal militaire et accusé de crimes de guerre. Et au début de 1946, le Tigre est condamné à mort et exécuté. Et il meurt avec son secret ? Oui, mais il n'était pas certain qu'il n'était pas le seul à savoir où il avait caché ce fabuleux butin. Et ça excitera la curiosité de pas mal de monde. Enfin, on en reparlera. Alors, revenons à cette confidence de Marcos au début des années 70. Et Marcos qui affirme qu'il a retrouvé le trésor de Yamashita. Oui, bizarrement, cette information assez sensationnelle passe presque inaperçue. Alors, comment vous expliquez ça ? À mon avis, il y a que deux explications. Ou bien les journalistes philippins ont cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie, ou bien Marcos, se rendant compte qu'il a commis une bévue, a demandé fermement aux journalistes de passer sous silence cette confidence. Pourquoi ce serait une bévue ? Parce que si le président philippin avait vraiment mis la main sur le trésor de Yamashita, il aurait dû, légalement, en reverser les trois quarts aux autorités de son pays. Voilà pourquoi Marcos, même si sur le moment il a trouvé très malin de justifier ainsi l'origine de sa fortune, a ensuite décidé de faire profil bas et de ne plus reparler de cette histoire de trésor, au moins jusqu'à sa chute dans les années 80. Alors, reprenons, où est-ce que nous en étions déjà ? C'est son ambition, l'ambition de Marcos de rester au pouvoir, hein, malgré la Constitution. Ah oui. Pour tenter un coup de force, il doit d'abord préparer l'opinion et faire taire ses opposants. Au début des années 70, un attentat très meurtrier frappe le siège du principal parti d'opposition, le Parti libéral. Et le parti de Benigno Aquino. Oui, il s'agissait à l'évidence de se débarrasser de l'ancien journaliste. Mais Aquino en réchappe et accuse son adversaire d'avoir voulu le tuer. Une accusation qui n'ébranle nullement le président philippin. Bien au contraire, il profite de cet attentat pour imposer une sorte d'état d'urgence en supprimant en particulier les libertés individuelles et les garanties des citoyens face à la justice. Puis il insinue que l'opposition a partie liée avec la guérilla communiste. Oui, un amalgame. Évidemment. Oui. Aquino est un libéral, pas un communiste. Enfin, il n'empêche. Aquino est officiellement traduit devant la justice. Et celui qui aurait certainement été élu président si le processus constitutionnel avait été respecté et mis ainsi hors jeu. Mmh. Il passera plusieurs années en prison avant d'être autorisé à émigrer aux États-Unis. Toutefois, Marcos, pour s'imposer par la force, doit aller encore plus loin. Et en 1972, très opportunément, plusieurs bombes éclatent dans le pays. Opportunément, vous voulez dire que c'était de vrais faux attentats ? Perpétrés à l'instigation du pouvoir ? Oui. Mmh. Et cette menace prétendument attribuée aux communistes permet enfin à Marcos de décréter la loi martiale. Mmh. Ah, c'est-à-dire que maintenant, il détient tous les pouvoirs. Et il dissout aussitôt toutes les institutions démocratiques. Congrès, partis politiques, syndicats, etc. En même temps, il fait arrêter préventivement des dizaines de milliers d'opposants. Mmh. Non. Les choses sont maintenant claires, c'est la dictature. Et comme dans toutes les dictatures, la police et l'armée jouent un rôle décisif et répriment sans pitié tous ceux qui osent s'opposer. Je vous ai parlé des arrestations, mais il y a aussi des centaines d'exécutions. Oui, c'est, donc, c'est le régime est, s'est endurci. Et à Washington, alors, comment réagit-on ? Oh bon, on n'est pas troublé plus que de raison. Ah bon ? Je veux dire qu'on s'accommode très bien de la dictature, au fond, hein, dans un pays qui se trouve cependant directement dans l'orbite américaine. Ah ben, on l'a vu souvent, en Amérique latine en particulier. Les Américains, qui sont de grands démocrates, n'hésitent jamais à soutenir des dictatures dès lors que leurs intérêts militaires et économiques ne sont pas remis en question. Même mieux, ils encouragent parfois les dictatures. C'est vrai. Alors évidemment, Marcos subira une certaine défaveur lors de l'arrivée de Jimmy Carter à la Maison-Blanche, mais... 4 ans plus tard, Reagan prendra le pouvoir à son tour et Marcos redeviendra aussitôt quelqu'un de très fréquentable. Les deux couples présidentiels entretiendront même des réels liens d'amitié. Mmh, malgré la répression. Et malgré la corruption. En 1981, à peine élu, Ronald Reagan fait une visite officielle à Manille. Et il déclare tout bonnement à Marcos qu'il est à ses côtés et qu'il approuve son adhésion au processus démocratique. Dans un pays soumis à la loi martiale, quand même. Oui, oui. Bon, Marcos, ça fait un geste, quand même. Hein. Il a levé la loi martiale, sans doute à l'instigation des Américains. Mmh. Encore que Reagan lui ait demandé de ne pas se précipiter et surtout de ne rien faire qui pourrait nuire à la stabilité de l'archipel. Parce que le pays demeure fragile, quand même. Très fragile, même. On ne peut pas impunément saigner un pays sans que cela entraîne de très graves conséquences. Et malgré l'aide des États-Unis et des organismes internationaux, la Banque mondiale en particulier, les Philippines sont au bord du dépôt de bilan et la dette extérieure est colossale. Ce pays que les experts internationaux décrivaient au début des années 50 comme celui qui était le plus prometteur de l'Asie du Sud-Est asiatique... À cause de sa richesse agricole, oui, essentiellement. Oui, oui. Et maintenant, c'est le parent pauvre de la région. Et déjà... Au début de ces années 80, il apparaît clairement à tous les observateurs que ça ne pourra durer très longtemps. D'autant que le couple Marcos ne renonce en rien à dépenser tant et plus alors même que la population ne cesse de s'appauvrir. Le résultat le plus visible, c'est une progression rapide de la guérilla. Bah oui, la guérilla qui recrute parmi ses pauvres. Forcément. Et quand Marcos sera sur le point d'être démis, plus d'un tiers de l'archipel sera aux mains des guérilleros communistes. Ouais. Et la guérilla islamiste Marcos aura signé un accord avec les rebelles sous les auspices de Kadhafi. Kadhafi, tiens. Donc vous le disiez, une situation extraordinairement fragile. À tel point qu'en 1985, l'ambassadeur états-unien à Manille parle même de l'éventualité d'une guerre civile massive. Il faut dire qu'en 1983, un grave événement a précipité la dégradation de la situation. L'assassinat de Benigno Aquino, le principal adversaire de Marcos. Le jour même de son retour aux Philippines après un long exil. France Inter, rendez-vous avec X. Dans son ouvrage « L'or des dictatures » paru en 1993 chez Fayard, le journaliste Philippe Madelin essaie d'estimer le montant de la fortune des Marcos. Je le cite. « Selon les évaluations les plus optimistes, l'ensemble des biens des Marcos représenterait 10 milliards de dollars. En se référant aux documents mis à sa disposition, David Castro, président de la commission présidentielle pour un bon gouvernement, pense que le magot devrait avoisiner 10 fois la valeur des biens identifiés qui se situe aux environs d'un demi-milliard de dollars. À titre de comparaison, à cette même époque, le revenu moyen des Philippins était de 700 dollars par an. Cette estimation de David Castro est probablement exagérée, réplique Francisco Tadad, ancien ministre de l'Information de Marcos. Le niveau le moins contestable devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Toutefois, j'ai appris de sources sûres que chacun des 3 enfants du couple Marcos avait été doté de comptes à hauteur de 200 millions de dollars. Qu'en est-il ? On ne le saura sans doute jamais avec exactitude, car dès le début, le clan Marcos a tout fait pour masquer l'ampleur réelle du butin. Il est même probable que les Marcos ignoraient eux-mêmes l'étendue de leurs biens. Vous vous souvenez sans doute de cette scène de 1983. Aquino vient à peine de débarquer d'avion quand un homme armé se précipite sur lui et le tue. Et aussitôt après, il est abattu à son tour par les forces de l'ordre. C'est ça, ouais. La scène a été filmée parce que de nombreuses télévisions étaient présentes. Mais attendez quand même, est-ce que Benigno Aquino avait mesuré les risques qu'il prenait en revenant aux Philippines ? Effectivement, il avait été condamné à mort. Mais il avait ensuite été gracié par Marcos, donc il pouvait penser que le retour aux Philippines lui était permis. D'accord, mais enfin, c'était sans compter avec les méthodes expéditives des sbires de Marcos, car ce sont eux qui l'ont assassiné, j'imagine. Oui, mais plus tard, la commission d'enquête mettra en cause une 20aine d'officiers, dont le chef des armées, le général Fabien Bert, l'âme damnée de Marcos et son parent aussi, je crois. Mmh. En tout cas, l'émotion est considérable dans tout l'archipel. Et cet assassinat marque le début de la fin pour Marcos et sa clique. D'autant que le président est alors gravement malade et ne tient plus les rênes aussi fermement qu'autrefois. Maladie et des reins, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Ouais, ouais. Marcos, même s'il est affaibli, se rend rapidement compte qu'il est allé trop loin et qu'il doit faire des concessions. D'autant que le fidèle allié américain commence à montrer des signes d'impatience. C'est-à-dire? Reagan va prendre peu à peu ses distances avec son grand ami philippin. Il annule même une visite officielle qu'il devait faire à Manille et conseille fermement à Marcos de rétablir la démocratie. Alors qu'il semblait auparavant, enfin d'après ce que vous avez dit, un peu pressé de voir le régime se libéraliser. Oui, oui, mais enfin l'assassinat d'Aquino a tout changé. Car derrière Marcos, c'est l'allié américain qui risque d'être mis en cause. Le président philippin lâche donc un peu de lest et annonce la tenue d'élections législatives. Les premières depuis plus de 10 ans. Elles vont se dérouler en 1984, quelques mois après la mort d'Aquino. Avec quel résultat, rappelez-moi, là ? Bah, grâce aux fraudes, grâce aussi aux masses d'argent que le parti au pouvoir distribue avec une incroyable largesse, le parti de Marcos obtient la majorité des suffrages des électeurs. Oui. Cet argent, c'est celui des Marcos ? Ah bah non, pas du tout. Ah bon, non. Le coup présidentiel n'écorne pas son magot. Non, non, c'est la planche à billets qui fonctionne à tout va. Et les conséquences se font bientôt sentir, c'est l'inflation. Une inflation catastrophique qui ruine les plus pauvres, mais touche aussi les entreprises qui ferment les unes après les autres. En même temps, l'opposition démocratique relève la tête. Mais Corrie Aquino. Oui, la veuve. Une petite femme que rien ne prédestinait à faire de la politique. Peu à peu, elle va devenir le fer de lance de l'opposition, tandis que les manifestations de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses, réclament le départ de Marcos. Et ça va si loin qu'à Washington, on commence à s'affoler sérieusement. Oui, la peur de voir débarquer Marcos par un gouvernement de gauche ou même communiste. C'est ça, oui, le syndrome du Nicaragua, en somme. Alors, les Américains exercent de nouvelles pressions sur Marcos ? Oui, oui, oui, on lui demande de se séparer des militaires les plus corrompus, ceux qui, par exemple, sont compromis dans l'assassinat d'Aquino. On exige aussi qu'il mette fin à l'accaparement de l'économie de l'archipel par ses amis. Et enfin, on le presse d'organiser des élections présidentielles anticipées. Sur tous ces points, le vieux dictateur renâcle, car il sent bien que s'il accepte, c'est tout le système qu'il a mis en place qui va s'écrouler. Mmh. Et il ne cède que sur le troisième point. Et le troisième point, les élections présidentielles. En effet. Ouais. Et la fin est pitoyable. Marcos est battu par la frêle Corrie Aquino, la dame en jaune, comme on l'appelle. Mais malgré toutes les évidences, il refuse de reconnaître sa défaite et s'accroche au pouvoir. Et Washington, qui tire toujours les ficelles, doit faire pression sur les principaux responsables de l'armée pour qu'ils lâchent le dictateur. Et à la fin février 86, plusieurs hélicoptères américains évacuent le couple Marcos et leurs nombreux bagages. Mais ce qui n'est pas question qu'ils partent les mains vides. Pas sûr que non. Et quand ils arriveront à Hawaï et que la douane américaine exigera d'ouvrir ses fameux bagages, elle découvrira des caisses entières de billets philippins fraîchement imprimés. Ah, ou encore des coffrets de bijoux d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Donc une partie de la fortune des Marcos? Ah oui, une infime partie, car le reste consiste en biens immobiliers et surtout en dépôts dans diverses places financières. Il y en a pour des centaines et des centaines de millions de dollars et plus probablement des milliards. Et c'est là que nous allons retrouver l'histoire du trésor de Yamashita. Ah, quand même, alors je vous écoute. Le fabuleux trésor, on n'en parlait plus depuis que sur un terrain de golf, Marcos avait fait cette étrange confidence sur l'origine de sa fortune. Il était même prudent de ne plus évoquer le sujet. Pourquoi, c'était dangereux? Bah, très dangereux, oui. Au milieu des années 70, un proche de Marcos, qui s'était fâché avec le dictateur, avait parlé du trésor devant une commission du Congrès américain. Mais il a ensuite disparu et plus personne ne l'a revu. Liquidé? Oh, certainement. L'affaire devait rester secrète. Car aussi extraordinaire que cela paraisse, des hommes continuaient à chercher. Chercher le trésor, de leur propre initiative? Oui, à l'initiative de Marcos. Marcos qui aurait déjà découvert quelques sites où les hommes de Yamashita auraient dissimulé une partie du butin. Mais il restera encore d'autres caches. Et vers 1975, le dictateur fait venir un certain Curtis, un industriel américain spécialiste des métaux précieux. À charge pour lui de découvrir le trésor de Yamashita ou ce qu'il en reste. L'homme est même accompagné par un voyant. Pardonnez-moi, mais ça commence à devenir fumeux. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai utilisé à dessein le conditionnel. Pour convaincre l'Américain du bien fondé de l'existence du trésor, Marcos lui aurait même montré, entreposé dans les caves de son palais, un fantastique amoncellement de lingots d'or. Et même un bouddha en or massif, mesurant 80 cm. En fait, d'après ce que racontera l'industriel américain plus tard, Marcos attendait d'abord de lui qu'il fonde cet or, afin de l'écouler plus facilement sur le marché des métaux précieux. Ah, ça, c'est déjà un peu plus sérieux. Ouais, encore que la mise sur le marché d'une telle quantité d'or aurait certainement eu de graves conséquences sur le taux du métal précieux. Est-ce que ce Curtis, hein, c'est ça, se serait vraiment livré à des recherches sur le territoire philippin? Il prétend que oui. Et grâce à l'ancienne carte de l'armée nippone, il aurait trouvé au sud de Manille, dans la Sierra Madre, 13 camions enterrés à une grande profondeur et protégés par des bombes. 13 camions bourrés d'or et à côté des centaines et des centaines de squelettes de prisonniers de guerre philippins et américains. Mais à peine Curtis et ses ouvriers auraient-ils commencé à décharger les véhicules qu'ils se seraient trouvés encerclés par des soldats et fermement invités à regagner la capitale. Vraisemblable ? Je n'en sais rien. Même si, après la mort de Marcos, Curtis est retourné aux Philippines avec l'intention de continuer à chercher. Non, là où je veux en venir, c'est à ceci. En 1987, alors qu'il se trouve sous la surveillance des Américains à Hawaï, l'ancien dictateur déclare soudain qu'il possède 1000 tonnes d'or cachées aux Philippines. 1000 tonnes, c'est énorme, hein? Oui, et Marcos affirme qu'il s'agit là d'une partie du trésor du général Yamashita. Alors, pourquoi cette surprenante déclaration? Je vous explique. Après le départ forcé de Marcos, les nouvelles autorités philippines, qui sont à la tête d'un État ruiné, veulent récupérer les sommes énormes que le dictateur a volées. Et en parlant du trésor de Yamashita, Marcos entend abuser le gouvernement philippin qui tente de traquer son argent dans tous les paradis fiscaux de la planète. Ah ouais, alors, je suis riche, mais inutile de chercher dans mes comptes en Suisse, c'est ça? Et je ne suis pas un voleur. Il tente donc désespérément de sauver à la fois son honneur et son argent. Voilà la vérité. Mais alors, quand même, c'est 1000 tonnes d'or, là. On n'en verra jamais la couleur, bien entendu. Quant à toute autre explication de l'existence de l'or de Yamashita, je vous le dis tout net, je crois que cela ressort purement et simplement de la fumisterie. Non, ce prétendu trésor n'a servi qu'à essayer de couvrir les turpitudes de Ferdinand Marcos. Est-ce que le trésor de Yamashita a vraiment existé? Dans un livre assez récent, l'opération Lys d'or, édité chez Pygmalion, un couple de journalistes américains affirme qu'il ne s'agissait nullement d'une légende. Et il raconte qu'après la reddition de Yamashita, des officiers des services secrets américains ont fait parler le chauffeur du général Nippon après l'avoir torturé. Et ils auraient ainsi découvert les différentes caches d'un fabuleux trésor. Le président Truman aurait été mis dans le secret. La suite n'est pas moins étonnante, je cite Sterling et Peggy Seagrave. Truman a dissimulé ce butin comme il l'avait fait de celui accumulé par l'Axe en Europe. Grâce à lui, il a pu constituer des fonds destinés à financer les actions secrètes menées contre le communisme au cours de la guerre froide. Pour dire les choses sans ambages, ces fonds allaient servir à corrompre des chefs d'État et des militaires, ainsi qu'à acheter des votes en faveur des partis politiques anticommunistes. Dans le contexte de l'époque, cette idée semblait se justifier. L'Union soviétique soutenait alors des mouvements socialistes et communistes dans le monde entier. Après avoir parcouru cet ouvrage, j'ai soumis cette thèse à M. X. Il s'est contenté de hausser les épaules. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission.